quelles que soient les circonstances, j'irai. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances. Il s'appelle Je suis. Tu m'as placé sur la terre. Oui.